les samedis et dimanches de 14 à 15 heures sur France Culture cet été. Tête chercheuse, une manière de faire une sieste intelligente, les oreilles grandes ouvertes pour écouter nos spécialistes, nos universitaires, nos scientifiques et nos passionnés nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, je reçois Elisabeth D, qui a découvert l'Indonésie il y a une trentaine d'années et depuis, elle n'a plus jamais quitté ce pays. Bonjour Elisabeth D. Bonjour. On vous connaît en tant qu'Elisabeth D. Pour ceux qui, de ma génération ou ceux plus âgés qui disaient actuels, vous êtes à l'origine grand reporter et depuis quelques années, vous vous êtes établi en Indonésie, d'où votre nom aujourd'hui, Inandiak. Quelle est votre histoire avant de parler de l'histoire de l'Indonésie ? En fait, c'est un reportage pour Actuel, un des derniers que j'ai fait pour ce magazine extraordinaire. Et j'étais partie faire un reportage fin 1998 sur l'islam face à la mystique javanaise. C'était quand même extrêmement étrange comme reportage. C'était un pays qui ne figurait absolument pas sur la carte de mon imaginaire. Et je terminais l'article en disant « je crois bien que Java m'a jeté un charme ». Et vous vous installez donc en Indonésie. L'Indonésie, au centre de rien et au carrefour de tout. Pourquoi ? Parce que quand on regarde sur une carte, l'Indonésie, c'est un petit peu comme quand on veut traverser un lac. Il y a des pierres comme ça qui sont disposées. On doit marcher sur les pierres pour pas tomber dans l'eau. Eh bien, c'est exactement ça. C'est une sorte d'immense passerelle faite de 13 466 îles. Alors, on dit un petit peu n'importe quoi, parce que pendant des années, depuis son indépendance, en 1945, son indépendance unilatérale, parce que la date officielle inscrite aux Nations Unies, je crois que c'est 47 ou 49, mais l'Indonésie a déclaré son indépendance en 1945, et donc, depuis cette date, l'Indonésie a jamais vraiment fait le compte de ses îles. Sachant qu'en plus, il y en a qui montent, qui disparaissent et apparaissent, parce que c'est une région extrêmement volcanique. Et un jour, l'Indonésie, il y a à peu près 15 ans, s'est fait retirer deux îles qu'elle réclamait, qu'elle disait être siennes, par la Malaisie, au tribunal de l'Hague. Et donc, ça a été un choc. C'était des petites îles sans grande importance, mais quand même, c'est toujours un territoire qui nous est volé, ou disons confisqué, ou attribué à quelqu'un d'autre. Et donc, ils se sont aperçus à ce moment-là qu'effectivement, non seulement ils ne connaissaient pas le nombre, parce que les Nations Unies leur ont dit, il ne s'agit pas uniquement de les compter, mais il faut aussi les nommer. Parce qu'en fait, sur ces milliers d'îles, il y en avait 8000 au moins qui n'avaient pas de nom. Donc ils ont, à partir de 2002-2003, le ministère de la mer et de la pêche a organisé une série d'expéditions pour compter, faire l'inventaire des îles et les nommer. Et vous faites partie, Elisabeth D. Inandiak, de cette expédition. Voilà, enfin j'en fais partie, j'ai suivi un petit segment de cette expédition qui était dans le nord-est de Kalimantan, donc l'île de Bornéo, mais qui s'appelle Kalimantan en Indonésie. Enfin, pour le territoire indonésien. Donc, on imagine le ministère de la pêche et de la mer. Donc, c'est le plus grand archipel du monde, très équipé, avec de grands navires, etc., pour cette fabuleuse expédition. Pas du tout. Donc, nous voilà partis d'abord à Samarinda, qui est à Kalimantan, où là, il y a une conférence d'un professeur Jacob, qui est de Aceh, vous savez, là où il y a eu le tsunami, et qui nous fait une leçon, c'est un très grand professeur, sur qu'est-ce qu'une île ? Parce que, voilà, c'est bien joli de compter les îles et de les nommer, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une île. Et c'est pas évident du tout. Et c'est pour ça qu'il était très difficile par satellite de les compter, parce qu'il y a des points qu'on pense que ce sont des îles, mais il faut une île est une terre qui, au moment de la marée haute, n'est pas immergée. Donc si elle est recouverte à marée haute, ce n'est plus une île, selon les Nations Unies. Donc souvent, il faut s'approcher de l'île qui est toute petite et attendre que la marée monte pour voir si elle disparaît ou non. En général, quand il y a un cocotier dessus, c'est qu'elle n'est pas immergée parce qu'autrement les cocotiers mourraient. Donc c'est un signe. Si on voit un cocotier, même si l'île fait 2 mètres de circonférence, c'est bon, c'est une île. parce qu'il y a un cocotier. Donc il y a quelques signes comme ça. Donc il nous avait fait une leçon extraordinaire, enfin pour les géographes qui allaient partir dans cette expédition. Et en plus, il expliquait comment nommer des îles. Donc il s'agissait de faire presque, vous savez, comme les expéditions du XVIIe siècle où les Européens partaient comme ça découvrir le monde. Et donc c'est un petit peu aussi de l'anthropologie, donc l'aventure, l'anthropologie. On doit arriver, on accoste une île inhabitée. Donc on doit aller sur l'île la plus proche, se renseigner auprès des personnes les plus âgées, comment ils nomment l'île localement. Parce qu'en fait, tout est nommé localement. Ouais. Les gens nomment, mais c'est... Est-ce que toutes les îles sont habitées, Elisabeth? Ben non, ouais. Énormément d'îles ne sont pas habitées. Bon, il y a des îles qui sont toutes petites, minuscules, mais c'est quand même des îles. Ça fait, même si elles font 10 mètres carrés, c'est très important de les prendre en compte. Alors pourquoi? C'est parce que l'Indonésie est un État-archipel. Alors, qu'est-ce qu'un État-archipel? D'abord, c'est une notion que l'Indonésie a défendue en 1957 aux Nations Unies. Mais c'était un concept qui n'était pas du tout envisagé par les Nations Unies à cette époque. C'était l'idée que, normalement, dans le droit international de la mer, un territoire côtier à son territoire maritime à 12 000 marins. Je ne sais pas combien ça fait de kilomètres. 20, peut-être une 20 kilomètres de la côte, c'est encore territoire national. Et après, ce sont les eaux internationales. Or, l'Indonésie se battait pour faire reconnaître que, étant donné que c'est un immense archipel, mettons entre l'île de Java et l'île des Célèbes, il y a 300 ou 500 kilomètres ou plus, et que toute cette eau, entre deux îles indonésiennes, soit territoire national. Et donc, ce concept d'État-archipel a été accepté et reconnu par l'ONU en 1982, lors d'une convention sur le droit de la mer. Et donc, beaucoup d'autres États en ont recueilli les bénéfices. Évidemment, le Japon, les Philippines, mais des États beaucoup plus petits dans le Pacifique. Et nous, notre expédition, donc nous sommes partis... après cette conférence, ces explications sur qu'est-ce qu'une île et comment nommer les îles, c'est-à-dire donc interroger les personnes âgées sur une île habitée la plus proche, recueillir les mythes, les légendes, la végétation qui y pousse, etc. Et toutes ces données après sont rapportées à Jakarta, dans la capitale. Des propositions de nom sont faites, elles sont soumises au Parlement. Et après, le Parlement les vote et les soumet aux Nations Unies. Alors, on peut voir l'Indonésie comme si c'était notre planète, hein, parce que c'est quoi l'Indonésie? C'est trois fois plus d'eau que de terre, non? Voilà, d'ailleurs, depuis toujours, les Indonésiens, pour dire le mot patrie, ils disent Tana Air. Et Tana, c'est la terre, Air, c'est l'eau. Donc, l'eau est constituante du territoire. Et quand on donne la superficie de l'Indonésie, donc l'Indonésie fait 7, quand vous regardez dans les ouvrages, les encyclopédies, etc., c'est 7,7 millions de kilomètres carrés, dont 75% qui sont de l'eau, soit 5,8 millions de kilomètres carrés sont des mers, et donc 1,9 millions de kilomètres carrés sont des terres. Et ça, c'est grâce au concept d'État-archipel qui a permis de donner cette superficie. Est-ce qu'il y a des mythes qui sont liés à l'archipel? Alors, le mythe qui est très... javanais, donc un peu central, parce que c'est l'île, même si c'est une île assez petite, c'est là que se trouvent les deux tiers de la population, hein, à Java. Un des mythes les plus puissants à ce propos, c'est le mythe de Ratu Kidul, c'est la déesse de la mer, ou la reine des mers, et c'est la mer qui a un palais au sud, sur la côte, au sud, au large de la côte méridionale de Java. Et quand vous regardez une carte aussi, vous vous apercevez que jusqu'à l'Antarctique, il n'y a que de l'océan, à part une toute petit point qui est Christmas Island, qui appartient aux Australiens. Mais autrement, donc sur ces plages de sable noir, parce que c'est du sable volcanique, se déverse la moitié de l'hémisphère de l'océan. Et donc, il y a en plus dans ces fonds marins des plaques tectoniques qui créent des séismes, et il y a aussi des volcans. Donc vous imaginez l'activité qu'il y a dans ces fonds. Et donc quand on s'approche de cette mer, souvent on voit pas de vagues surgir immenses, mais on est d'un seul coup encerclé par des courants gigantesques, on perd le sens de l'orientation, et on est attiré vers le large. Et donc une légende, mais extrêmement puissante. C'est plus qu'une légende, un mythe dit que c'est donc cette fameuse reine, Ratu Kidul, qui emporte les gens dans son palais sous-marin pour la servir. Mais c'est un mythe, si vous voulez, on te dit qu'est-ce que c'est que ces superstitions, c'est un peu ridicule, mais quand on y réfléchit bien, finalement, les météorologues aujourd'hui, quand il y a un typhon, oui, qui arrive dans une région, elle s'appelle Caroline, elle a des noms de femmes d'ailleurs, curieusement. Donc on personnifie aussi, on fait pareil. C'est du même ordre. Mais si vous voulez, c'est un mythe très puissant dans le sens que cette reine, il y a une légende qui dit que le premier sultan musulman de Java au XVIIe siècle, XVIe siècle, a médité sur la plage. Sa méditation était si forte que la reine est apparue et elle l'a attiré dans son lit marin. Ils ont fait l'amour et elle lui a conféré les pouvoirs pour régner sur la terre. Donc c'est-à-dire que les hommes reçoivent le pouvoir de régner sur la terre de l'eau, de la mer, de l'élément aquatique. Et en fait, c'est une vision juste puisque le monde sort de l'eau et les Indonésiens sont persuadés qu'ils seront à nouveau engloutis par les eaux. S'il fallait expliquer le titre, l'Indonésie au centre de rien et au carrefour de tout. Au centre de rien? Parce que c'est pas un continent. C'est un territoire totalement éclaté, une sorte de constellation. Donc il n'y a pas de centre. Enfin, il y a un centre aujourd'hui politique, hélas, à Jakarta, qui est le centre politique économique. Mais quand même, de façon ancienne, il n'y avait pas de centre. Il y avait une multitude de royaumes et les îles, on ne peut pas centraliser une constellation d'îles. Donc, et en même temps, c'est un carrefour parce que c'est le carrefour entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, entre la Chine et l'Inde, et les Indonésiens avaient oublié qu'ils étaient dans une position stratégique fondamentale et qui a valu des empires glorieux dans le passé. Et aujourd'hui, ils se réveillent et ils s'aperçoivent qu'il n'est plus que jamais nécessaire de mettre en valeur cette position stratégique de carrefour. Elisabeth D. Inandiak, spécialiste de l'Indonésie, votre seconde patrie. Vous êtes indonésienne maintenant? Je suis indonésienne de plus que de cœur, de corps, parce que quand j'ai accouché en Indonésie, le placenta, il y a une vieille tradition qui fait qu'on enterre le placenta et on allume une lampe pendant 40 jours et on chante des chants parce que c'est considéré comme le petit frère ou la petite sœur du bébé. Et donc c'est ce qui s'est passé quand j'ai mis au monde ma petite fille. Et donc j'ai enterré le placenta et donc je ne suis pas indonésienne mais j'appartiens à la terre indonésienne. L'histoire des grands empires maritimes jusqu'à l'état archipel moderne. Parce qu'il y a eu donc des grands empires maritimes. Donc, celui qui est le plus célèbre, on le nomme Sriwijaya. Hein. Il a commencé environ vers le 6e, 7e siècle, jusqu'au 11e siècle, ou peut-être jusqu'au 13e siècle. En fait, on sait finalement très peu de choses. Pendant longtemps, au début du XXe siècle, on pensait que cet grand empire était peut-être en Thaïlande, en Malaisie. Et puis c'est Keudes, de l'école française d'Extrême-Orient, un Français, qui a trouvé les preuves comme quoi c'était sur l'île de Sumatra. Et effectivement, le long du fameux détroit de Malacca. Parce que le détroit de Malacca, quand on regarde une carte, une fois de plus, on voit bien que c'est le passage obligé de tous les navires entre la Chine et l'Inde et l'Occident et inversement. Et aujourd'hui encore, c'est le détroit le plus fréquenté du monde, après le passage, en Égypte. Bien sûr, le détroit de Suez. Oui, donc on peut imaginer qu'il y a eu cette fameuse route de la soie dont on parle beaucoup, la route du bouddhisme qui passait par les continents, par le nord. Hein, c'était la route continentale et puis à une certaine époque, au tournant du 6e, 7e siècle, je suis pas historienne, donc je voudrais pas dire on me corrigera si je dis des inexactitudes historiques, mais en gros, c'est le sens, c'est que toute la partie, si vous voulez, du Turkestan, tout ça, était perturbée par beaucoup d'invasions, de troubles, et c'était devenu très dangereux de passer par cette route, et donc les pèlerins chinois

c'est l'équivalent d'un, voilà, d'une gauche chez nous, ou de la droite, ou est-ce que ça se pose en ces termes-là dans la démocratie et dans la représentation politique indonésienne? Non, ça se pose pas comme ça. Il y a les partis, donc là, c'est plutôt les partis nationalistes démocratiques, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'il y ait un État laïque, enfin laïque ou pluriethnique, qui se battent là-dessus, qui se battent aussi pour, on pourrait dire de gauche chez nous, mais le mot droite et gauche n'est pas utilisé du tout en Indonésie. C'est les pays, là, le président représente le peuple. C'est un nouveau mouvement, puisque ces mouvements citoyens, c'est nouveau que des citoyens puissent s'organiser comme ça directement grâce à ces réseaux. Donc ça n'a pas encore de nom. Moi, je pense que c'est un phénomène nouveau qui n'est ni à droite ni à gauche. Mais c'est sûr que c'est un président qui privilégie les petites gens, la majorité des gens, le peuple, les gens, pas forcément les plus pauvres, mais les gens, quoi, la majorité des citoyens. Donc, il se bat contre la corruption, qui veut plus d'égalité, qui fait des cartes médicales gratuites, l'école gratuite, alors que les autres en face sont des gens qui ont aussi capté les mouvements fondamentalistes musulmans et qui ont capté aussi, alors qu'ils peuvent être chrétiens, chefs de parti chrétien, mais ils captent toutes ces mouvements fondamentalistes musulmans, on peut pas les dire de droite ni de gauche, et puis les grosses entreprises, le gros business, etc. Et l'ancien régime de la dictature, qui était, oui, on peut dire que c'était un régime de droite parce qu'il a lutté, il a fait une chasse aux sorcières, aux communistes, mais ça se pose pas, on n'emploie pas du tout le mot droite et gauche en Indonésie. L'Indonésie au centre de rien et au carrefour de tout, par Elisabeth D. Inamdiak. Terre de désastre naturel, l'Indonésie. Et pendant le tsunami, vous étiez sur place, Elisabeth D. Enfin, pas au moment même, mais j'y suis allée quelques jours après avec un groupe de volontaires indonésiens, parce que on parlait beaucoup dans les médias internationaux de toutes ces ONG internationales qui viennent secourir les pauvres indonésiens, mais on dit jamais que la population indonésienne s'est mobilisée de façon absolument fantastique. Et si vous voulez, par exemple, moi je suis partie avec un avion cargo d'une chaîne de télévision, Metro TV, dont je connaissais plusieurs personnes dans cette télé, et ils emmenaient des volontaires, et beaucoup, tous les jours, l'avion décollait et emportait des vivres, etc., et des volontaires, et c'était une des télés, mais tous les journaux, tous les hôpitaux, les banques, et puis tout le monde se collectait, enfin, c'est un sursaut national, c'est gigantesque l'argent qui a été collecté, et donc j'ai voulu... C'était l'Union sacrée indonésienne, est-ce que autour du tsunami, il y avait, bah oui, une union nationale, on peut parler de ça, oui. Bah cette polarisation est apparue là au moment des élections en juillet, alors que pendant les 10 ans du gouvernement de Susilo Bambang Yudhoyono, qui était l'ancien président qui vient de quitter, il a eu 10 ans, il a été élu démocratiquement, mais il avait réussi à faire un peu un statu quo. C'était pas très, il était plutôt démocrate, mais il gardait l'ancien régime au niveau économique, donc c'était pas scindé comme ça. Ça a surgi à nouveau cette fracture au moment des élections de juillet, et on a eu très peur. Qu'il y a eu beaucoup de violence, et apparemment les choses sont un petit peu en train de s'arranger, mais la fracture est toujours là. Elle était masquée pendant 10 ans. On pensait que les anciens de l'ancienne dictature avaient disparu. Non, ils sommeillaient, ils faisaient semblant, ils étaient dans les instances quand même gouvernementales d'une autre manière. Et donc, au moment du tsunami d'Aceh, le seul problème qu'aurait pu se poser, c'était il y avait les indépendantistes d'Aceh et puis le gouvernement central. Mais là, de toute façon, tout le monde est mort à Aceh. L'armée, les indépendantistes, le gouvernement, enfin, énormément de gens sont morts. C'est dans un village où il y avait 400 personnes, il y avait 10 survivants. Tous les villages, c'était comme ça. La capitale de Banda Aceh, pareil, les 90% des gens dans la mairie sont morts. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus personne. Il y a eu un consensus national, parce que d'abord, même mondial, mais moi, j'étais devant la télévision, je me souviens, je ne regarde jamais tellement la télévision, mais là, donc la première heure, il y avait 100 morts, et puis 300, et puis d'heure en heure, on était à 5000, et puis à 10h du soir, c'était 10 000, et puis le lendemain matin, c'était 55 000, et puis après, c'était... Et puis on voyait ces images, et puis moi j'étais en larmes, je dis ça suffit, soit j'arrête et puis je fais ce que je dois faire ici à Java où j'habite, soit je pars. Et donc finalement je suis partie, avec ses bénévoles, et je suivais le mouvement, et donc on m'a mis dans un groupe qui devait ramasser les corps, parce qu'il y avait des corps partout, partout, partout, rien que dans la ville d'Atchet. Je crois qu'il y a eu, je sais pas, 120 000 morts. Enfin, il y en avait partout. Et ce qui était absolument bouleversant, c'était que les bénévoles avec qui j'étais, c'était des victimes du tsunami. C'était des gens d'Atchet qui, pendant plusieurs jours, avaient cherché les corps de leur famille, qui les avaient pas retrouvés. Et ils s'étaient dit, plutôt qu'attendre dans un camp et se désespérer, on va aider les autres. Donc, c'était une expérience, pour moi, bouleversante, quoi, d'être avec ces gens qui eux-mêmes avaient été victimes et aidaient les autres. Et donc, c'est tout ce rapport à la mer aussi qui s'est posé. Comment les Atchénais, finalement, après le tsunami, ont pas vraiment fait de rituels pour se réconcilier avec la mer, parce qu'ils sont très musulmans, presque wahhabistes, et on mélange pas les rites soi-disant animistes, qui sont pas animistes, mais alors qu'à Java, sur la côte de Java, il y a eu des rituels, justement, à la Reine du Sud, etc., pour se réconcilier avec la mer, et ne pas la voir comme une ennemie, trouver un mode de, il faut vivre ensemble. Et alors, comment ils ont fait, ça ressemblait à quoi, ces cérémonies de réconciliation avec la mer? Mais il y en a, de toute façon, ces rituels sur la côte sud de Java existent toujours et encore aujourd'hui. Donc il y a encore un sultan dans la ville où j'habite, Yogyakarta, qui est le gouverneur. Tous les ans, il y a une danse, la danse la plus sacrée du palais, qui s'appelle le Bedoyo, est une danse offerte à la reine, et le sultan est présent, et on dit que parfois la reine apparaît, et chaque année, il y a des rituels qui sont faits à la fois au volcan, des offrandes, et à l'océan. Enfin, c'est constant. Ça part du palais, qui est le centre de l'islam de Yogyakarta, et qui va vers le volcan et l'océan. Le feu et l'eau. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, parce qu'il y a un calendrier lunaire et un calendrier solaire à Java, et quand il y a certains jours qui se croisent, toute la nuit, les gens viennent méditer sur la plage, et il y a aussi les marchands du temple qui sont là, et la prostitution. Tout ça va ensemble, puisque ça se passe pendant toute une nuit, mais c'est absolument extrêmement vivant. Alors qu'à Atchet, je ne sais pas, je n'ai pas étudié de très près le problème, et je crois qu'il y a eu très peu de choses. Et aujourd'hui, à quoi ressemble Atchet, quelques années après le tsunami ? J'y suis allée quelques 2-3 ans après, donc aujourd'hui, je sais pas, je sais que les ONG internationales se sont battues entre elles pour obtenir la reconstruction de tel hôpital, de tel... Donc bien sûr, celui qui, pour obtenir le droit de construire tel hôpital, on corrompt le maire local, etc. Donc ça a été terrible, il y a eu énormément d'argent, beaucoup de corruption, et aujourd'hui, Atchet s'est encore repliée sur elle-même, et c'est la province, justement, parce qu'elle a une autonomie, qui a voté la charia, donc il y a des gens qui sont punis à coups de fouet, enfin c'est une histoire abracadabrante, ce repli total de Atchet, alors qu'il a connu le tsunami, on aurait pu penser qu'ils ont compris que c'était une ouverture, le tsunami a arraché tous les voiles, les femmes musulmanes étaient toutes dévoilées par le tsunami, il fallait peut-être réfléchir, ça a amené la paix à Atchet, le conflit armé s'est arrêté, mais ça n'a pas amené... comment dire, une ouverture des cœurs, une ouverture religieuse, quoi, au niveau, du moins du fait des autorités qui ont le pouvoir à Atchet. On parle souvent d'intégrisme musulman spécifiquement indonésien. On veut dire quoi par là, Elisabeth Deinandiak? Bon, je crois que l'intégrisme, d'ailleurs qu'il soit musulman ou d'une autre, qu'il soit laïque, qu'il soit chrétien, c'est de l'intégrisme. Hein, donc je sais pas s'il revêt une forme particulière en Indonésie. En tout cas, il est quand même ultra minoritaire, même si à Atchet il s'est imposé avec ce vote de la charia. Mais jusqu'à présent... il y a eu des attentats, effectivement, après la démocratisation du pays. Tout est sorti, c'est la cocotte minute qui s'ouvre. Donc, il y a eu les gays qui ont fait des grands mouvements, les bouddhistes et les chinois qui ont pu apparaître au grand jour, et puis les gens qui avaient des idées intégristes et qui étaient muselés par la dictature se sont mis à s'exprimer, et à s'exprimer violemment. Mais donc, est-ce qu'on peut parler de l'intégrisme local, l'intégrisme de l'Indonésie, ou c'est une doctrine qui vient d'Arabie Saoudite ou d'autres régions marquées par un islam rigoriste? C'est sûr que ça vient de l'Arabie Saoudite, du wahhabisme, le salafisme, des jeunes qui sont les terroristes. C'est beaucoup de jeunes qui sont allés faire, qui sont allés combattre en Afghanistan à l'époque. Enfin, ils étaient très peu, mais ils ont rapporté quand même un sens de la violence qui existait pas tellement en Indonésie, mais quand même, quand on lit l'histoire indonésienne, moi j'ai recomposé à neuf la grande épopée javanaise qui s'appelle le livre de Centini, et déjà au XVIe siècle, on voit bien comment un des héros dans le livre est condamné pour hérésie, et en fait c'est une lutte entre l'islam javanais, comme ça très soufi, acceptant les cultures locales, etc., et l'islam qui vient du monde arabe, beaucoup plus rigoriste, et c'est une sorte de lutte, et c'est pas nouveau, c'est très ancien. C'est réactualisé aujourd'hui, mais c'est une vieille histoire. Donc il y a d'un côté le tsunami, mais de l'autre côté, il y a aussi les volcans. Est-ce qu'on peut parler de terre de désastre naturel pour l'Indonésie ? Est-ce qu'on peut vivre dans des îles volcaniques aujourd'hui encore ? Donc moi j'habite au pied du volcan, un des volcans les plus actifs du monde, le Merapi, et donc en 2010 il y a eu une méga éruption. Il y a toujours des éruptions tous les 4-5 ans, mais là c'était l'éruption du siècle. Mais elle a été extrêmement bien prévue. Mais le volcan Merapi intéresse beaucoup les vulcanologues du monde entier parce qu'il se passe toujours quelque chose. Son statut s'appelle, quand il est normal, c'est actif normal. Donc il est toujours en activité. Mais là, il y a eu une méga éruption. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu très peu de morts quand même. Finalement, il y a eu 300 morts, alors que 3 ans plus tôt, il y avait eu un séisme qui a fait 6000 morts près de la mer. Donc les éruptions volcaniques font pas forcément maintenant beaucoup de morts parce qu'on arrive quand même à évacuer les gens à temps. Je pense qu'il y a à peu près 2 millions de gens qui ont été évacués sur ce volcan, parce que non seulement il est un des plus actifs au monde, mais il est sans doute le plus densément peuplé parce qu'il fertilise les terres. Et donc tout s'est bien passé. Il y a eu 300 morts, un peu plus. C'est très peu. C'est à l'époque, quand il y a des éruptions d'une puissance analogue, il y a un siècle ou deux, faisait à une époque où il y avait 100 fois moins de personnes, il y avait 8000 morts. Donc, si vous voulez, on peut parfaitement vivre avec ces forces. Simplement, il faut construire antisismique, il faut être vigilant, il faut être capable de se déplacer au moment et savoir qu'on vit dans l'impermanence. Et puis, en même temps, cette activité de la Terre, moi, je n'appellerais pas ça désastre, parce qu'évidemment, c'est dramatique quand ça touche des gens et que les gens meurent. Mais en fait, c'est aussi ça fertilise énormément les terres et aussi c'est un fervent de créativité. La ville de Yogyakarta, c'est la capitale de l'art contemporain indonésien, et c'est pas un hasard. Il y a des raisons historiques, mais il y a des raisons géologiques. C'est parce que on est sans arrêt remis en question par les mouvements de la terre. Il faut toujours recréer, il faut recréer sa vie quand sa maison a été construite. Les peintres, leurs studios sont détruits, leurs toiles aussi. Il faut tout recommencer, il faut réinventer des nouvelles formes de vie, d'économie, d'amour, etc. Et donc finalement, c'est une force destructive, mais aussi extrêmement créative. On a parlé d'une déesse de la mer chez les Indonésiens. Est-ce qu'il y a d'autres représentations divines autour des volcans ? Oui, il y en a beaucoup. Chaque volcan a son histoire. Je crois qu'à Java, il y a 127 volcans actifs, rien que sur l'île de Java. Je connais pas l'histoire, les mythes de tous les volcans. Sur le volcan Merapi, il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle Sapu Jagat. Ça veut dire le balayeur de l'univers. Et en fait, c'est un peu le Quasimodo. C'est lui qui a mangé l'œuf du monde que la reine du Sud présentait au sultan pour qu'il puisse s'unir. Et si le sultan avait mangé cet œuf, il serait devenu un esprit, un pur esprit. Donc, c'est le jardinier du palais qui a mangé l'œuf. Et il est devenu un pur esprit avec un visage épouvantablement laid et effrayant. Et donc, il s'est réfugié dans le cratère du volcan. Et en fait, il nettoie les ordures du monde et des hommes. Donc il prend toute la laideur du monde sur lui, mais c'est pour purifier l'univers. On va parler de la carte et du territoire, pour reprendre un titre de Houellebecq, la carte de l'eau. Donc l'emplacement stratégique de ce pays au carrefour de l'Inde, de la Chine, de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, la carte de l'eau est le territoire de la foi, parce que ça se joue en Indonésie aussi, entre l'islam radical d'aujourd'hui et le soufisme. Ça reste un berceau du soufisme, l'Indonésie. En Indonésie, on n'emploie pas le mot soufisme.